Hello, hello les amis, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Dio et c'est Boogie qui va commencer dans quelques minutes. On laisse tourner le générique. Retour, un Boogie qui démarre sur de bonnes auspices avec des gens autour de la table, des invités. Pascal, bonjour. Oui, salut à toutes et à tous. Salut Muriel, salut Véro, salut Mondave. Voilà, nous n'étions pas là il y a 15 jours. Ouais, on s'en excuse auprès des auditeurs, on n'a pas été très sérieux. De petits retards à l'allumage, des planètes mal alignées. Mais rassurez-vous, on a énormément de choses ce soir à vous distiller entre les oreilles. De quoi rattraper le temps perdu. Voilà, et puis on a la chance d'avoir un pote avec nous, c'est Manu qui nous observe et puis qui nous notera la fin de l'émission. Je te laisse démarrer. Oui, bien sûr, on va commencer tranquillement. Avant toute chose, on est le 12 novembre, on est en direct, vous le savez, puis je voudrais quand même une pensée pour les attentats du 13 novembre qui ont marqué quand même notre pays, et puis en particulier les fans de rock'n'roll, on sait ce qu'il est advenu, donc c'est simplement une pensée pour les victimes, les familles des victimes, et tous ceux qui sont allés risquer leur vie pour sauver ces gens-là face à l'ignominie. Et je voudrais quand même vous conseiller de voir une série sur France.tv. Voilà, c'est ça, France TV.fr, pardon, France qui TV. S'appelle Des Vivants. Tu l'as vu, Muriel ? Des Vivants, donc des avec... Vivants, ben, oui. Voilà, ça raconte l'histoire de 7 personnages qui ont été pris en otage dans le couloir à l'étage du Bataclan, ouais. Et qui ont été libérés par la BRI. Et sur 8 épisodes, on suit avec des flashbacks sur cette terrible soirée. Le destin de ces 7 personnages, donc voilà, c'est une série qui est magnifique, ouais. Et les acteurs sont incroyables, avec Benjamin Laverne par exemple en premier lieu, et on suit le parcours difficile de ces gens après les attentats, c'est-à-dire la reconstruction, la vie, les effets que ça peut avoir sur la vie de famille, sur le travail, et c'est vraiment une série extraordinaire en 8 épisodes que nous propose France TV.fr, voilà. Donc 8 épisodes, voilà. Dans le même ordre d'idée, sur Arte, un film dont j'ai oublié le nom, qui va passer très prochainement cette semaine avec Vincent Lacoste. C'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est aussi l'histoire du Bataclan. Il récupère, après la mort de sa sœur pendant l'attentat, il récupère sa nièce et voilà, et toute la difficulté de se remettre de cet événement tragique. Voilà, regardez cette série, elle est vraiment extraordinaire. Et puis entre eux, ils s'appelaient les potages, les potes otages, ils ont abrégé en potages, et on voit tous ces gens-là qui malgré tout se retrouvent, sont devenus vraiment des vrais potes, des vrais amis, avec aussi les gars de la BRI qui les ont sauvés, et 8 épisodes comme ça vraiment touchant, vraiment prenant, quoi, que je conseille à tout le monde. Et je propose de commencer cette émission avec ce morceau que j'ai choisi de Mighty Sam McLean, un personnage qui a eu une carrière erratique et qui a enregistré quelques bons albums dans les années 90, on en revient après. C'est une reprise de Sam Cooke, de la soul, du blues, Change is Gonna Come. I was born by the river in a little tent and just like the river I've been running ever since. It's been so long. Well, it's been a long time coming, but I know, Lord, I know, change is gonna come. Oh, yes, it will, because I believe it will. It's been too hard living, so sometimes, but I'm afraid to die. I don't know what's up there, way beyond the sky. It's been so long, hey, you don't hear me. Oh, it's been a long time coming, but I know a change is gonna come. But one day I went to my brother, yeah, sure enough. And I said, brother, would you help me, please? My brother stood there. He looked down on me. He looked down on me. It almost knocked me down to my knees, on my bending knee. There was days when I thought I may not last too long. Right now I think I'm able, Lord, I'm able to carry on. But it's been so long. Oh, it's been a long time coming. But I know, Lord, I know that a change is gonna come. I wonder would you mind playing a little bit. Another time, ooh, I went to my own mama, yeah. Lord, I cried, mama, help your son, please. Yes, I did. My mother stood there. She looked me straight in my eyes and said, I love you, son. She said, I love you, my child. Oh, but the way she told me, it almost knocked me down to my knees, on my bending knees. There was days, oh Lord, when I thought, yeah, I may not last too long. I'm able to carry on, yeah. But it's been so long. Thank you, Lord. Oh, it's been a long. keep hearing this voice inside of me. I keep hearing this voice inside of me. Tells me to hang on in there. Hang on in there. Hang on in there, my child. Because your change is gonna come. Look out, y'all. Oh yeah, en effet, on se croirait vraiment dans une église baptiste, comme tu le disais. Oui, personnage que j'apprécie particulièrement. Alors, on peut trouver 3-4 albums des années 90 sur un label qui s'appelle AudioQuest. Sinon, c'est très très difficile de trouver ses disques. Comme je l'ai dit, une carrière erratique. Il a connu la rue, il a connu la dope. Et ça n'a pas été facile pour lui. Un 45 tours dans les années 60, c'est un mec qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane. Et je l'avais rencontré lors d'un concert, un festival blues à Bagnols-sur-Cèze. Une charmante petite bourgade du Gard, ouais. En 1994. Alors, pour vous donner une idée, dans ce festival, il y avait B.B. King, Lucky Peterson, Lonnie Mack, Kenny Neal, Omar and the Owlers, donc Mighty Sam McLean, Alvin Lee. Tout ça sur trois soirs. Quoi. Voilà, je crois que c'est l'année où le 49 Plus Band a joué en première partie de. Je ne me rappelle plus. De B.B. King. Je me rappelle de plus mémoire, parce qu'il y avait ça. Beaucoup de Space Cake. À côté, donc c'était pas évident de se souvenir des concerts. Toujours est-il que j'ai pu voilà, ce concert m'avait marqué parce qu'il chantait le blues, il prêchait le blues à la manière d'un pasteur dans une église baptiste, et c'est pas anodin parce qu'il a été à 5 ans membre de l'église du chœur gospel de son papa, donc qui était prêcheur en Louisiane, et j'avais pu discuter avec lui un peu de sa musique, et c'était quelqu'un de très avenant, de très gentil. Alors dans mon anglais traficoté, lui dans son français traficoté, on avait pu passer un bon quart d'heure ensemble à converser, et derrière j'ai pu acheter tous les albums qui sortaient, malheureusement introuvables aujourd'hui ou très difficiles à trouver. Alors c'est entre blues rageur parfois et entre soul music américaine, ça ressemble beaucoup au grand maître de la soul. Et puis on va continuer alors dans un registre totalement différent maintenant, les amis, avec le dernier album de Robert Plant. Donc, comme il le dit dans l'interview sur Rock and Folk du mois dernier, à l'heure actuelle, peu de jeunes savent qu'il a fait partie d'un groupe de rock décadent. Mais c'est vrai que Robert Plant, dès la fin de Led Zeppelin, il s'est écarté de l'ombre, justement, du dirigeable. Il faut être quand même sacrément jeune pour ne pas savoir qui est Robert Plant. Oui, mais c'est une boutade. Et donc, il s'est réellement écarté de la musique de Led Zeppelin avec des albums assez typés années 80 comme Now and Then en 1982 ou 83. Et après, il a su trouver ses marques en allant en Afrique, en enregistrant de la musique nord-africaine, subsaharienne, orientale, musique folk. On l'a vu au Palais des Sports ensemble, si je me souviens bien, dans les années 90. Et il y avait le père Gérard, d'ailleurs, qui m'a laissé un message. Qui était avec nous, ouais, tout à fait. Et on était totalement subjugués par des reprises de Led Zeppelin, reprises de manière très, très roots et avec un feeling totalement différent. C'est un mec qui est très intelligent. Et ce dernier album avec Suzy Diane, ils l'ont enregistré avec le groupe Saving Grace au nord d'Angleterre, à la frontière du Pays de Galles. Donc c'est un peu où il est chez lui là-bas. Et c'est des arrangements soignés, soyeux. C'est très très bien fait. Il laisse le groupe vraiment s'exprimer. La chanteuse d'ailleurs sur un titre chante seule. C'est pas quelqu'un de prétentieux. Et il reprend des vieux blues, des vieilles chansons folkloriques. Et des titres de Led Zeppelin. Non, pas sur cet album. Pas sur cet album. Non. Des vieux blues, gospel, on va en écouter deux là justement, et puis un morceau du groupe Lao, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, groupe alternatif originaire du Minnesota dans les années 90-93, voilà, c'est très très varié et c'est fait avec ferveur, avec intelligence, il y a un feeling extraordinaire. Je n'ai pas cette superlatif quand je parle de Robert Plant, parce qu'il a su amener sa musique bien bien plus loin que celle de Led Zeppelin. On se souvient de ses albums avec Alison Krauss, c'est ça. En 2022 il y a eu le dernier je crois, et puis des groupes comme les Space Shifters et son guitariste qui l'accompagnait des années, Justin Adams. Donc à cette parlotte les amis, hein, ouais. on va écouter un morceau qui s'appelle Soul of a Man, enregistré par Blind Willie Johnson, on dira 2-3 mots après sur ce musicien. Yeah. tell me. Won't somebody tell me? Won't somebody tell me? Won't somebody tell me? I'm gonna ask a question, please answer if you can. Is there anybody's children can tell me? And tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? I'll answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? Countries. I traveled to the furthest lands. Couldn't find nobody could tell me. Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Well, tell me what is the soul of a man? I just came up in time. Was teaching the lawyers and the doctors that a man ain't nothing but his mind. Won't somebody tell me? Tell me. Answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me. Tell me what is the soul of a man? It ain't nothing but a burning light. Won't somebody tell me? Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? People all stood amazed. Was teaching the lawyers and the doctors, well, how to raise a man from the grave. Won't somebody tell me? Well, answer if you can, Lord. Won't somebody tell me? Tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? What is the soul of a man? What is the soul of a man? What is the soul of a man? Mr. Robert Plant dans Boogie 89.5. Voilà. Vous comprenez la classe de ce personnage qui arrive à redonner vie à un titre écrit dans les années 30 par Blind Willie Johnson. Et puis ses arrangements, cette voix. Et puis c'est un enregistrement qui s'est fait de manière très bucolique, hein, enregistré dans une grange avec des musiciens qui étaient vraiment originaires du nord d'Angleterre et du Pays de Galles. Ça s'est fait entre 2019 et 2025. L'album s'appelle Robert Plant, Susie Dayan, Saving Grace. On sent l'authenticité de la reprise. Ouais. Est-ce que tu sais que ce morceau est dans l'espace? dans l'espace. Ouais. C'est-à-dire, il a été envoyé c'est-à-dire que par satellite et il tourne autour de la Terre. Oui, je ne sais pas si tu te souviens de la sonde Voyager. C'est le but de satellite. La sonde royale, oui, j'en ai entendu parler. La sonde Voyager. Voyager. Voilà, qui est quelque part dans l'espace à l'heure actuelle. Peut-être et au-dessus de notre tête. Les Américains avaient mis à l'intérieur de cette sonde tout ce qui pouvait représenter notre société. Des chansons, des discours, des photos, des films qui ne représentaient pas notre société, notre civilisation. Notre civilisation, et dans les morceaux qu'ils ont choisis, il y a Son of a Man de Blind Willie Johnson, justement. Et beaucoup de personnes l'ont chanté. Je pense à Marc Ribot qui en fait écoutez-la, Marc Ribot, il en fait une version fantastique à la slide guitare, et puis Eric Burdon aussi, donc c'est un grand classique. Et sur cet album, moi j'ai envie de continuer avec un gospel qui a été écrit en 1930, même avant je crois, ça s'appelle Gospel Plow, ça a été nommé sur différents titres, mais peut-être que le refrain vous dira quelque chose. Bob Dylan l'a repris, par exemple, dans les années 60. Donc, je vous propose de réécouter Robert Plant, quoi, la classe, et puis on enchaînera avec un classique. C'est parti. Thank you. Hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe, where you going with that money in your hand? I'm going downtown, buy me a blue steel 44. Going downtown, buy me a blue steel 44. Hey Joe, we call that gun in your hand. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Baby, she's been running with another man. Yes, I did. Hey Joe, summer. I'm going on town. À tout prix à vous passer cette version de Hey Joe qui est totalement incroyable, dans une tension que l'on ressent dans le studio comme ça, qu'il faut écouter très très fort avec des instruments traditionnels de la guitare électrique. Alors bien sûr, c'est un morceau qui a été repris par énormément de monde, de Bachung à Deep Purple en passant par Johnny Hallyday. Ça avait été écrit par un mec qui s'appelait Roberts, je me souviens plus de son prénom, qui a eu son heure de gloire en Californie. Il avait monté un groupe plus ou moins country. Voilà, mais cet extrait de l'album Dreamland, donc, avec le fameux guitariste Justin Adams, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que dans l'interview de Rock and Folk, ils expliquent bien en intro que Robert Plant dit « Ne me parlez pas de la reformation de Led Zeppelin, sinon je refuse l'interview. » C'est vrai que c'est un sujet récurrent et que tout le monde attend cette reformation qui probablement n'aura jamais lieu. Il y a eu quelques reformations. Oui, hein, c'est donc vrai. Le Live Aid 1985, d'ailleurs, ça avait été catastrophique. Il y a eu le fameux concert de 2007, donc à l'O2 Arena, et qui avait donné un double live absolument incroyable en l'honneur de Ahmet Ertegun. Et Jimmy Page et Robert Plant s'étaient retrouvés en 1994 pour l'album No Quarter, une réadaptation plus ou moins afro, nord-africaine des grands classiques de Led Zepp. Je les avais vus à Lyon cette année, et avec mon pote Fab, qui, je le salue là, à San Francisco, voilà, on avait voulu s'asseoir pour pouvoir apprécier le spectacle et ne pas être dans la fosse comme d'habitude. Et devant nous, il y avait trois personnes, donc un homme d'un certain âge, son épouse et son fils qui étaient adolescents. Et quand Jimmy Page et Robert Plant sont apparus sur scène, le mec qui était très calme s'est transformé. D'un seul coup, il s'est mis à gueuler. Alléluia, ils sont revenus. Alléluia, ils sont revenus. Et sa femme qui disait, mais Raymond, ferme ta gueule, tu me fais honte. Mais tu me fais honte. Et le gamin avec son t-shirt Nirvana qui se cachait. Son père, il était complètement déchanté. Et c'est vrai qu'on avait assisté à un concert incroyable qui s'était renouvelé 2 ans après avec l'album Welcome into Clarksdale, produit par Steve Albini. Donc, on revient à Saving Grace, David, et je vais te laisser, quand même, faut donner le nom des musiciens qui sont exceptionnels. Quoi. Saving Grace, alors, à la batterie et aux percussions, Holly Jefferson, à la guitare acoustique, style banjo, Matt Worley, j'espère que j'accroche pas trop les noms américains, Tony Kesley, à la guitare acoustique, électrique, baritone, guitare, électrique, guitare et vocals, et aussi Madame Susie Diane, vocals, accordéon, qui fait partie du... qui chante la plupart des morceaux avec lui. Voilà, et le groupe s'appelle Saving Grace, formé en 2019. Et on avait, tu vois, je voulais quand même honorer Monsieur Jimmy Page, avec un album de 1993 qui avait été très mal perçu par la critique et que je trouve pourtant exceptionnel. Beaucoup avaient dit que c'était du sous Led Zeppelin avec David Coverdale. David Coverdale, c'est un chanteur de rock hard bluesy dans les années 70, ouais, qui s'est transformé en blonde. On peut dire. Oui, qui s'est transformé en blonde décolorée dans les années 80 avec le hard FM typique du glam metal. Exact, ouais, mais cet album, il vaut le coup d'être entendu, et j'ai choisi un morceau qui s'appelle Absolution Blues. C'est sur Dio 89.5. Nous sommes avec David, avec Muriel, avec Manu et Véro, MC Véro. Allez, on envoie. Thank you. Jimmy Page. Wow. Tu disais, David, hors antenne, qu'il y a plagiat, là. Là, il y a flagrant délit de plagiat avec Robert Plant. Ça, c'est, voilà. Et après, on disait aussi avec Manu, c'est eux qui ont inventé ce style. Il n'y a pas 36 façons de chanter ce genre de morceau. Hein. C'est vrai. C'est voix sur aigu et voilà. Coverdale, bon, moi je conseille les albums avec Deep Purple des années 70. Je conseille le groupe Whitesnake à la fin des années 70 et un live qui s'appelle Live in the Heart of the City avec un guitariste de slide extraordinaire qui s'appelait Mickey Moody. Mais en fait, faudrait que je puisse écouter l'album entièrement, mais dire que c'est un sous-produit de Led Zeppelin, c'est quand même très très sévère. C'est ce que la critique avait dit à l'époque. Moi, je sais que je le mets régulièrement. Ça s'écoute, quoi, largement. Ouais, largement. Et puis Page est en pleine forme, donc. Ouais, voilà. Page. Mais comparé à Guitar Hero, des Guitar Hero, quoi. Et comparé à Robert Plant, il a fait beaucoup moins de choses, quoi. Musique de film, ce genre de truc. Et là, on va écouter, on va terminer en beauté avant que tu prennes le relais, David. On va terminer en beauté avec un live de Led Zeppelin en 1973, donc enregistré je ne sais pas où exactement, puisque c'est un bootleg. Alors 1973, c'est une série de concerts incroyables pour Led Zeppelin à Earl's Court en Angleterre. C'est l'album House of the Holy. Et pas mal de problèmes quand même. Il s'était fait piquer $200,000 à New York, je crois. Une tournée française bordélique qui avait été catastrophique avec des bastons, une organisation totalement foireuse. Et c'est vrai que Led Zeppelin n'est jamais revenu en France après 73. Après 73, c'était peut-être un petit peu tôt pour la France pour entendre ce genre de... Ben, ils étaient venus en 69 à l'Olympia, d'ailleurs. Il y a un live qui existe. Uh-huh. Ils étaient passés à une émission aussi avec une petite communication de Breakdown. Une émission qui s'appelait Bouton Rouge, musique Corama, donc, entre Zizi Jeanmer et Henri Salvador, tu vois. Et tu peux voir la vidéo sur net, tu vois Led Zepp qui cartonne un bon vieux communication breakdown devant un public totalement abasourdi. Certainement. Donc, oui. C'est les seuls moments où Led Zepp sont venus en France. Et là, on va écouter une version de barbare, mais vraiment de barbare, pardon. Comme on les aime ici. Comme on les aime. Dans une bonne version bootleguisée, tu vois, de Communication Breakdown 1973 en live quelque part dans le monde. Drop me to ruin. I don't know what it is about. Voilà. Led Zeppelin 1973. Ouais, voilà les amis. Donc un bootleg. Ouais, un bootleg. Ah, il existe un truc sur Led Zeppelin qui est quand même extraordinaire. Au Japon, tu sais que c'est les rois des bootlegs, des disques collector. Et je crois que même Jimmy Page ne l'a pas. Il existe un coffret de 70 CD qui représente 70 concerts de Led Zeppelin de 69 à 79. Ça, je l'ai lu dans un bouquin qui s'appelle Bootleg, les pirates du disque de Alain Gachet. On en reparlera un autre jour. Bref, c'était la petite anecdote. Okay, pour savoir que j'ai de la culture. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais je savais pas qu'au Japon, ils étaient fans de bootleg, tu vois. Donc là, si, m'as appris un truc déjà. Voilà, avant de te laisser la parole, je voudrais quand même parler d'un bouquin, le bouquin de la semaine. Donc, Le bouquin de Perco. Ouais, de Jimmy. Alors, c'est une conversation avec Jimmy Page par Brad Tolensky, qui était rédacteur en chef de Guitar World par exemple, et c'est un bouquin d'entretien qui a commencé en 1993, et comme il le dit, Jimmy Page n'est pas d'un abord assez facile, il est très réservé. Alors ça, je l'ai lu à plusieurs reprises. Ouais. Il se méfie beaucoup de la presse, parce que ne serait-ce qu'un exemple, souvenez-vous de l'interview d'Ardisson où il ne lui parle que de diable, de sa bibliothèque de bouquins occultes et tout. Voilà, Jimmy Page ne voulait pas parler de ça. Et Brad Tolensky a eu l'intelligence, en 1993 et les années qui ont suivi, de converser avec Jimmy Page sur son travail de production, son travail d'écriture, son jeu de guitare, sur les titres emblématiques de Led Zeppelin. Et il se livre complètement. Alors, il ne dit pas qu'il est devenu ami avec lui. C'est très difficile. Mais quand Jimmy Page a confiance à un journaliste qui connaît son sujet, c'est le cas de Brad Tolensky, ça donne un bouquin extraordinaire où Jimmy Page délivre plein de... Il se livre comme jamais, quoi. Voilà. Donc, de sa jeunesse avec Pat Relon chez lui, Eric Clapton et Jeff Beck, de son amour pour le blues et le rock'n'roll qui a commencé avec Elvis Presley jusqu'aux derniers albums de Led Zepp. Et c'est très intéressant, par exemple, sur le travail de production, parce que c'était un grand producteur. Donc, Jimmy Page et Brad Tolensky, c'est une préface de Philippe Manœuvre, conversation avec Jimmy Page de Led Zeppelin. Donc, et la maison d'édition, je vais la regarder, c'est chez Ring, c'est sorti il y a quelques années déjà, un bouquin donc pour tout fan de musique, de rock'n'roll, de blues et de Jimmy Page. On trouve facilement. Bien sûr, ouais, on doit le trouver encore facilement, puis je mettrai la photo sur la page Facebook. Donc ouais. Vraiment très riche, parce que Brad Tolensky sait de quoi il parle et Jimmy Page donc lâche le truc, quoi. Voilà, il se lâche vraiment parce qu'il a en face de lui un journaliste qui est vraiment passionné par ce qu'a fait Jimmy Page durant toute sa carrière. Voilà, parenthèse fermée. Okay. David, on retrouve notre page Facebook, on peut en parler aussi peut-être 5 minutes. notre page Facebook qu'on alimente au gré de, des programmations, des choses qu'on passe, mais qui est non exhaustive et qui a le mérite d'exister. On remercie nos 22 followers. Ouais. ouais, mais ils nous suivent quand même, pas très fidèlement, mais voilà, quoi, ça a le mérite d'exister. Et puis, on le redit, il y a une page Facebook qui s'appelle Boogie Dio, voilà, et qu'on trouve facilement sur le réseau social Facebook. Et puis nous continuons, donc on va revenir sur un concert que tu as vu il y a à peu près un mois, David. Ouais, c'était voilà. Le 18, c'était dans le cadre du Rhino Jazz Festival 47e édition, la fameuse nuit du blues. L'année dernière c'était Bernard Allison, si je ne me trompe pas, on n'avait pas pu se déplacer, Véro, on n'avait pas pu, je ne sais plus pourquoi. On n'avait pas pu aller voir Bernard Allison. On l'avait fortement regretté parce qu'il paraît que c'était vachement bien. Mais cette année, c'était vraiment très, très bien. Moi, j'étais scotché à mon siège. Justina Libron en première partie de Robert Finlay. Ça valait vraiment son pesant de cacahuète, si on peut dire. Reconnu. Alors moi, je ne la connaissais pas du tout, mais alors j'ai découvert une artiste exceptionnelle. Un blueswoman soul avec des tendances afro complètement délirantes dans la voix, le show. On est vraiment dans la fric pure et dure, quoi. C'est vraiment musique très ethnique, on retrouve vraiment l'Afrique, on n'est pas loin de Tinari Wen, le groupe est exceptionnel et je vais vous proposer tout de suite sur l'album Lost Child le morceau qui s'appelle Lost Child. Driving me crazy, I'm out here feeling lonely. de mola ti mole baloma. Efi ana toda. Efi romilo. Cause you know I've been a lost child. Voilà, Justina Lee Brown qui a enflammé, on peut dire ça comme ça, la salle Aristide Briand. Elle a fait lever les gens plusieurs fois, les gens voulaient plus se rasseoir, ça dansait, elle a vraiment mis une ambiance de malade. C'est une voix extraordinaire. Et une voix extraordinaire, ouais. Ouais, ouais. Et là, elle parle en nigérian à un moment de la chanson. Je ne connais pas cet artiste, hein, mais c'est un bon mix entre le rhythm and blues, blues américain, et l'Afrique, l'origine. Et l'Afrique, et le mélange qu'elle arrive à sortir sur scène, c'est vraiment décapant. Parce que ouais, parfois, on n'est pas loin du blues du désert et toutes ces connotations voilà, avec des musiciens vraiment qui étaient aussi d'un grand, grand niveau. Et c'est vrai qu'au Rhino, on a la chance chaque année de découvrir des musiciens incroyables qui après souvent font carrière ouais, c'est en ça, Europe. Ça, hein. Ça leur sert un peu de lampe de rampe de lancement parce que souvent ça leur permet aussi d'aller de signer des dates ailleurs. Ouais. Ouais, on peut féliciter les programmateurs, donc Chazalon par exemple. Chazalon qui a présenté la soirée et qui n'a pas caché que cette année c'était encore une grande réussite parce que la plupart des concerts ont été complets et que voilà. Ouais, et nous, on est assez fiers d'être partenaires et probablement qu'on le recevra l'année prochaine, monsieur Chazalon. Oui, on l'avait reçu déjà, puis moi je me souviens de son papa, le voilà, fondateur du Rhino Jazz. Qui avait fondé le Rhino. Et d'une gentillesse extrême avec nous, les petits gars de Boogie. On avait pu voir Björn Berger, qui est devenu une star internationale, dans une salle de classe à Macla, ouais. Au-dessus de Rive-de-Gier. Et on avait pu partager avec lui, aller au vin d'honneur de la mairie, les bras ouverts par l'organisation. Enfin, c'est une petite parenthèse pour dire ouais. La gentillesse de ces personnes-là. Voilà, je vous propose d'écouter un autre morceau, La Plage 9, One Love Africa. Africa, yo, yo, Africa, yeah, yeah, yeah, yeah, my motherland. Yeah, Justina Lee Brown sur le 89.5 de Boogie. Voilà. Après, bien sûr, Robert Finlay, pendant la soirée, ça a été très compliqué parce que quand il est arrivé, elle avait bien chauffé la salle et lui, il n'est pas du tout dans ce registre. Il est aveugle, il se déplace difficilement sur scène. Mais il a montré quand même que malgré son handicap, au bout d'un petit quart d'heure, ouais, il a, avec sa voix extrêmement, extrêmement pure, extrêmement haute, perchée aussi, et qui détonne un peu chez les chanteurs de blues. Puis j'ai l'impression que c'est des gens qui sont vachement abordables, parce qu'il y a la photo sur la page Facebook où tu es rayonnant entre ces deux musiciens. Ouais, c'est vrai que tout de suite après le concert, avec JB, je te salue JB, on a pu les... Ouais, ils étaient très accessibles, ils étaient prêts à parler. On aurait pu, comme tu disais tout à l'heure, faire une interview assez facilement. Hein. Il aurait juste fallu d'un petit de quoi enregistrer. J'imagine qu'il y avait toute la mafia blues ligérienne. Voilà, ils étaient tous là, on ne va pas citer les noms, mais ils étaient là, ouais, bien sûr, ils étaient là. Bah, après, on les comprend aussi, manquer un événement comme ça pour eux, voilà. Mais en effet, la petite mafia du blues local était bien présente. Ouais. Salut à vous. C'est pour qui? Thibaut, on t'attend. Boogie Boogie. Pour ceux qui ont de la mémoire. Justina Lee Brown, pour revenir à elle, elle est très impliquée dans toutes les problématiques de son pays et surtout des enfants qui dorment dehors, voilà, au Niger et partout en Afrique. Voilà. Précision importante, personne très très sympathique, voilà. Et après, bien sûr, Robert Finlay est arrivé, alors lui aussi extrêmement sympathique, accompagné de sa fille, qui elle aussi une sacrée voix, et voilà, qui fait les chœurs avec son père, et avec trois musiciens, trois petits blancs becs, mais qui savaient, qui connaissaient la musique. Oui, ouais, puis il fait vraiment l'unanimité, hein. Sur Rolling Stone Magazine aussi, il parle des concerts à la Cigale. Ouais, je vois que tu as lu le même article que moi. Ouais. Oui, en effet, il fait l'unanimité. Son dernier album est encensé par la critique. Oui, c'est son dernier album, je n'ai pas pu me le procurer. Et tous ses derniers concerts. Blues et gospel. Hein. Exactement. Ouais. Et tous ses derniers concerts sont reconnus comme étant de très très bons concerts. On va écouter un morceau. Véro, tu nous as calé sur l'album Rare Cropper Sound. Le morceau Make Me Feel Alright. C'est parti. Make me feel alright. on vient d'écouter Robert Finlay. Bah, ça restera un bon souvenir. Ouais, ça restera un très bon souvenir. Et moi, je suis content d'avoir découvert ces deux artistes parce que vraiment, j'ai passé une soirée vraiment exceptionnelle, j'ose le dire. Puis on salue JB, donc de Deep Down, avec qui tu étais. Hein. Oui, JB, voilà. Avec qui, voilà, qui était un des gagnants qui n'ont pas été déçus, du coup. Hein. Un des quatre gagnants des places qu'on a fait gagner. Ouais, voilà. C'est plutôt sympa. Et ouais, c'est plutôt sympa. Voilà. Et merci à la radio, merci au Rhino. Et chaque année, ça nous permet de faire gagner 5-6 places comme ça. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être annoncer le Rockin' Going Party. Cette année, il y a un artiste exceptionnel, Baron Sweetfield. Oui. Hein, voilà. Donc, le 22 novembre, si vous ne voulez pas rater, Saint-Rambert d'Albion, c'est tout près d'ici. Hein. C'est dans le 26, mais c'est juste en dessous de Vienne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Avant Vienne. Avant Vienne ? Ouais. Donc, c'est très facile d'y aller. Hein. L'autoroute à 47. Et puis, vous prenez la 7 et vous arrivez direct sur Saint-Rambert d'Albion. C'est pas très loin. Et Baron Sweetfield, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Ouais, entre soul, ça garage, va, rock and roll. Ça va rocker avec un son garage. Avec lui, il y aura The Jets, Tennessee Driver et The Spoony Boys. Voilà. Alors, l'affiche, la pub de Rockin' Going Party, je les ai rencontrés, les organisateurs, au fabuleux Rock'n'Roll Show dont je vous ai parlé, qui avait lieu à Monistrol-sur-Loire. Et oui, alors eux, la particularité, c'est qu'ils ne sont pas que dans le rock'n'roll pur et dur des années 50, c'est qu'ils acceptent tous les styles de rock'n'roll, c'est-à-dire rock'n'roll 50s, country music, rockabilly blues, western swing, rhythm and blues, hillbilly, rockin' blues et même country boogie. Donc c'est quelle date, David ? C'est le 22. C'est le 22 novembre, c'est pas ce samedi mais l'autre. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Je vais peut-être faire partie d'une expédition, mais c'est pas encore sûr. Et ben, je viendrai vous rendre des comptes par rapport à ça. Voilà, si tu peux choper quelques albums. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Boogie ? Et puis maintenant, vous savez que nous sommes des Springsteen addicts avec David. Il y a longtemps que ça, nous a chopé cette maladie. Voilà. Et puis on ne peut ne pas parler du coffret Nebraska qui est sorti il y a à peu près un mois, qui se décompose en 4 albums, les outtakes, donc les prises non retenues, la version électrique de Nebraska, l'album Nebraska lui-même qui est remasterisé, mm-hmm. et puis un live mais sans public dans un théâtre du New Jersey qui s'appelle le Count Basie Theater. Donc Nebraska, pour toi, ça signifie quoi, David ? Ah, ça signifie juste après The River où j'avais découvert Bruce Springsteen dans les années 80, donc 14-15 ans. Et voilà, et j'attends, comme beaucoup de gens, un nouvel album de rock'n'roll et je prends cet album folk dans la tête. Et première écoute, c'est quand même surprenant. Et puis après, bah ouais, rien que tous les titres et puis la connotation aussi, vraiment de vouloir réécrire un peu l'histoire. Bah, moi, j'étais encore... submergé par les flots de la rivière chamarrée et tumultueuse. Et j'achète cet album avec une photo qui, je pense, est la meilleure pochette de Bruce Springsteen. Derrière un pare-brise, un ciel noir, c'est ça. Une route qu'on voit à l'infini. Et qui incarnera parfaitement la tonalité des morceaux. Je mets ça sur la platine et je suis totalement décontenancé. J'avais 16 piges à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Et je sais pas si tu te souviens, dans le vinyle original, il y avait les paroles en français. Ça parle de tueur en série. Ça parle d'un mec qui a pris 99 ans de tôle. Ça parle de souvenirs de jeunesse qui ne sont pas forcément très marrants. Et j'ai été décontenancé. Et puis, à force de l'écouter, comme tout le monde, je me suis rendu compte de cette œuvre qui est majeure dans la discothèque de Springsteen et que tout le monde adore à l'heure actuelle. Ouais, et on saura plus tard qu'il a écrit en même temps Born in the USA, où la plupart des titres ont été écrits à la guitare comme ça et que tout ça était qu'un énorme projet, en fait, qu'il a après dissocié. Bah, c'est à peu près la seule chose de valable qu'on voit dans le film, mais on en parlera plus tard. Ouais, il sort de The River, il est devenu une star internationale, première tournée sur le continent européen, en France et tout ça, et il revient aux États-Unis, il tombe dans une grave dépression, et il s'isole avec son roadie à Colt Neck, donc dans une maison plus ou moins délabrée, avec des meubles qu'il trouve dans la rue. C'est ça. Il demande à son roadie donc, de lui procurer un magnétophone 4 pistes et où il enregistre ses chansons qui, qui, selon John Landau, son producteur, devait être que pour lui, quoi. Et il y met une force, une conviction, il dira dans son autobiographie qu'il voulait réveiller les fantômes de Robert Johnson, la folk des Appalaches et le gospel. Et c'est tout à fait ça qui se passe dans ce disque, sans oublier ne serait-ce que le groupe Punk Suicide, quand on exact. Écoute un titre comme State Trooper, pardon. Ouais. Alors, à savoir aussi que la chanson Highway Patrolman, plus tard, sera un film réalisé par Sean Penn. Exact. Qui raconte l'histoire de deux frères. Mais bon, voilà. C'est un style narratif à la première personne. Il réitérera ça dans les années 90 avec The Ghost of Tom Joad et dans les années 2000 avec Devil and Dust. Et à cette époque, il est très influencé par Terrence Malick. Le film Badlands par Charles Laughton, La Nuit du Chasseur. C'est ça, La Nuit du Chasseur, qui on voit dans le film aussi, qui est vraiment le film qui l'a influencé quand il était gamin. Voilà, et puis des bouquins de Flannery O'Connor ou James McCain, par exemple, McCain, pardon, c'est celui qui a écrit, ça vous dira peut-être quelque chose, Le facteur sonne toujours deux fois. Exact. Donc il a énormément d'influence et il est au fond du trou parce qu'il se demande qui il est en fait, s'il ouais. est cet homme proche du peuple ou cette méga star qu'il est en train de devenir. La maison de 10 ne fera aucunement confiance, elle ne pourra pas, après le succès de The River, ne pas publier l'album, et elle fait le pari qu'il ne va pas en vendre beaucoup, quoi. Et finalement, ça va dépasser tout ce qu'on pouvait imaginer aux États-Unis. Voilà. Et Nebraska, il va influencer, comme tu le disais, des metteurs en scène et beaucoup d'artistes qui vont se remettre un peu à la folk, et ça, aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. 10 chansons d'une noirceur extrême. Quand on écoute Mansion on the Hill, ouais. Le manoir sur la colline, moi, ça me fait penser à une peinture de Edward Hopper. Ouais, moi, j'étais toujours voilà. fan de Atlantic City aussi, qui est une chanson qui me restait dans la tête, même quand je m'endormais. Alors, on va vous passer quelques titres. Donc, on va commencer par l'album qu'ils appellent les Outtakes, donc les titres non retenus, avec une version basique qui deviendra Working on the Highway, je crois, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et qui sera suivie par une chanson que peu de gens connaissent, qui s'appelle I'm on the Crowd. On va enchaîner ces chansons-là, donc issues des sessions de Nebraska de Bruce. Friday night, paint our guys fresh out of work. Talking about the weekend, scrubbing off of dirt. Some heading on to the family, some looking to get hurt. Some heading down to Stover wearing trouble on his shirts. I work for the company out on 95. I'm holding that red flag, watch the traffic pass me by. In my head I keep a picture of my pretty little miss. I swear that someday, mister, I'm gonna lead a better life than this. Working on the highway, laying down the blacktop. Working on the highway, all day long I can't stop. Working on the highway, blasting through the bedrock. Working on the highway, working on the highway. Well, I met her at the canteen down at the Union Hall. She was standing with her brother's back up against a wall. Sometimes we go walking on the Union tracks. One day I look straight at her and she looks straight back. So I'm working on the highway, laying down the blacktop. Working on the highway, all day long I can't stop. Working on the highway, blasting through the bedrock. Working on the highway, working on the highway. Well, I'm saving up my money, gonna put it all away. I'ma go and see your daddy, didn't have much to say, son. Did you see that it's just a little girl? Well, I'm gonna protect her from the cruel, cruel world. Now, I don't even know where this highway's bound. Still, I work from early morning till the sun go down. Cause she's the only thing I've ever had in my whole life. Who can turn working on this highway from a prison into paradise? I'm gonna prove to her daddy that my love is pure and true. If If I gotta drop a two-lane blacktop, I'm here to Timbuktu. I'll be working on the highway, laying down the blacktop. Getting on the highway all day long, I can't stop. Getting on the highway, blasting through the bedrock. Working on the highway, working on the highway. I'll be working on the highway, laying down a blacktop. Working on the highway all day long, I don't stop. Getting on the highway, blasting through the bedrock. Working on the highway, working on the highway. Il y a ce fameux écho qu'on entend. Ça laisse rêveur des morceaux comme ça. Et il tenait à garder cet écho, donc ça s'appelle une chambre d'écho, l'écoplex, qui était très utilisée dans les studios Sun de Sam Phillips à Memphis. Voilà. C'est la recherche de ce son qui voulait dès le départ. Sur ce fameux magnétophone TEAC 144, donc pour les ceux qui adorent la technologie. Ouais, le fameux 4 pistes. C'est un magnétophone 4 pistes. Il y a 2 pistes réservées à des doublements de voix ou quelques instruments comme du glockenspiel par-ci par-là. Quoi. Ouais, parfois il se double dans Nebraska, il double sa voix, ouais. Et moi, je voulais qu'on revienne sur le film parce que le film est sorti en même temps que ce coffret, David. Moi, je ne l'ai pas vu. Et toi, tu as un avis très, très partagé, voire négatif. Peux-tu nous en dire plus ? Assez négatif, je te dirais. Alors, il y a quand même des qualités dans ce film. On va les citer. C'est très bien filmé. Il y a de très belles couleurs, très belles prises de vue. Le cadrage, c'est impeccable. Mais bon, chronologiquement parlant, on a affaire à Bruce Springsteen quand même qui est, d'après le réalisateur, pas si connu que ça, qui est quand même quelqu'un de très, très triste. Alors, certes, c'est l'année où il tombe fortement en dépression, mais à aucun moment ça relate avec The River, il est à son cinquième album. Ça relate son passé récent. À aucun moment, on nous parle du succès de The River. Et les seuls flashbacks qu'il y a, bah c'est son enfance, plus ou moins noir et blanc, assez malheureuse, avec les scènes un peu pathétiques de son enfance malheureuse. Et puis aussi cet enfermement avec ce projet d'album. Il a une relation avec une petite amie, ça se passe pas très bien, forcément. Mais à aucun moment, il y a le partage du groupe. On voit pas qu'il est copain avec ses musiciens. C'est quand même la force du street band. Je crois pas que le street band soit cité une seule fois dans le film. Et voilà, ça tourne autour de John Landau, de sa maladie et des souvenirs de son enfance. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... je pensais vraiment voir un film sur Bruce Springsteen and the Street Band. Et en fait, c'est un film sur Bruce Springsteen en 1982, sa dépression pendant l'écriture du chef-d'œuvre Nebraska. Voilà. Et comme disait Manu qui est avec nous, est-ce que ça justifie 2 heures de film? Probablement pas. Non. Et je pense que... Alors moi, j'ai lu beaucoup de critiques où les gens étaient enchantés d'avoir vu ce film. Mais en tant que fan, alors je ne représente pas l'ensemble des fans, hein, bien sûr, mais en tant que fan, j'étais extrêmement déçu. Est-ce que l'acteur personnifie Bruce Springsteen comme pouvait l'être Timothée Chalamet dans Bob Dylan? Absolument pas, justement, non. On sent pas le truc, il ne le ressent pas beaucoup. Il joue bien, mais il n'interprète pas non plus extrêmement bien, ni dans la démarche, ni dans le regard, ni dans des choses que, quand même, Bruce Springsteen a été photographié et filmé une quantité de fois astronomique. Et moi, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé qu'aucun des acteurs, d'ailleurs, était très ressemblant des personnages qu'ils incarnaient. On laisse seul juge les gens qui vont aller le voir. Voilà, mais allez quand même le voir, ça vous donnera une idée, mais vous serez peut-être et certainement déçus. Voilà, dans ce coffret, donc, on peut le trouver en vinyle, en CD, et on retrouve les photos magnifiques de David Michael Kennedy, qui avait pris ses photos d'un Springsteen presque fuyant devant l'objectif, ouais. Qu'on sent mal à l'aise. Ouais, mais tellement authentique et tellement naturel que le travail du photographe était exceptionnel. Et il a enregistré ses sessions sur une Gibson G200. Voilà, pour tous les gens, comme je le disais, qui aiment tout ça, quoi. Et on va écouter maintenant le deuxième CD, qui sont les prises électriques de l'album. Alors, ce n'est pas la même track listing, hein, ce n'est pas la même liste de morceaux que sur l'album original. Il a été enregistré au PowerPoint Studio, où il a enregistré The River, Born in USA et tout ça. Et justement, on va écouter la première version électrique de Born in the USA avec le E Street Band, et c'est vraiment une version garage à l'opposé de ce qu'elle allait devenir 2 ans plus tard. Allez, Véro. 1, 2, 3, 4. Send me off to find rain. Une version garage. Ouais, c'est ça. Born in the USA. Complètement... pas méconnaissable, faut pas aller jusque-là. Hein. Non, mais John Lando lui dira, garde-la pour le prochain album. Ah, ok. C'est ça, hein. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Et il va rajouter des synthés. Il va séparer bien les pistes. Et puis, ça va donner quelque chose de... Quand on le réécoute aujourd'hui, c'est un peu... c'est pas inécoutable, mais j'attendais ça depuis... tellement mal vieilli. Je l'attendais depuis des années, ce coffret. Et je suis très heureux qu'il soit là, parce que Nebraska, au fil du temps, reste pour moi un album majeur, si ce n'est l'album majeur du boss. Quoi. Peut-être. Ça, voilà. C'est l'histoire qui le dira, mais... Alors, que ce soit boss, dans... Le boss, il a quand même plusieurs albums majeurs. Quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que les albums de ces 15 dernières années ne seront pas ceux qu'on retiendra, quoi. Et donc, on parle de lui sur le dernier Rock and Folk avec un superbe article de Thomas Florin et sur le dernier Rolling Stone Magazine où il décortique un peu comment on l'a fait. Ouais. J'ai attaqué cet article, en effet, c'est... Alors, j'ai attendu un peu avant de passer Bruce à l'émission, parce que Mishka Assayas sur Inter en a fait une spéciale. Sur pas mal de radios, il y a eu des spéciales comme ça autour de Nebraska. Nous, on le fait à notre manière. Et j'aimerais quand même vous lire le dernier paragraphe de Thomas Florin. Donc, ce n'est pas ma spécialité de lire à l'antenne, mais qui dit bien quand même ce que représente cet album. Deux points, ouvrez les guillemets. Des démos, une nuit, un instant, un accident... L'album que Bruce Springsteen considère être celui qui devrait le définir pour les décennies à venir, entre parenthèses, et donc les années après sa mort, est un disque enregistré seul sur un 4-pistes en presque une seule nuit et noyé dans l'écho. Un geste radical, un pas de côté dans la marche du succès. Geste qu'il va accentuer en prenant la décision de ne pas mettre son visage sur la pochette, la plus belle de sa carrière. De ne faire aucune interview ni concert. Au moment où sort l'album, Bruce Springsteen quitte son New Jersey natal pour traverser le pays et s'installer en Californie. Sur la route, il appelle John Lando et apprend que Nebraska est numéro 3 dans les charts. Springsteen est heureux. S'en suivra quelques jours plus tard une crise de panique dans l'Ouest et une dépression terrassante qui le pousse à consulter son premier analyste une fois à Los Angeles. L'art ne soigne rien et les fantômes de Nebraska continuaient de le manger la nuit. Et à voir son implication dans la défense de l'histoire de cet album, que ce soit au cinéma ou dans les librairies, il y a fort à parier qu'il continue de le visiter aujourd'hui. Je vous conseille cet article de Thomas Florin, donc sur le très bien coffret. Résumé, ouais. Voilà, magnifique article, ouais, sur Nebraska, Rock and Folk, qui est dans tous les kiosques. Et on va terminer avec ce qui est pour moi la chanson gospel de l'album, qu'il a électrifié, qu'il a joué en guitare sursaturée aussi en concert. C'est Reason to Believe. Reason to Believe. Quoi qu'il t'arrive. Quoi qu'il se passe, toujours une raison d'y croire. Toujours une raison. Voilà, c'est ça. Pardon. Allez, go. C'est parti. Seen a man standing over dead dog by the highway in a ditch. He's looking down, kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open, he's standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Struck me kind of funny, funny said to me. Still at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Mary Lou loved Johnny with a love mean and true. She said, baby, I'll work for you every day, bring my money home with you. One day up and left her, ever since that. She waited down that dirt road for young Johnny to come back. Struck me kind of funny, funny indeed. At the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. baby to the river. Kyle, will you make all them? You wash a baby in the water, take away the little Kyle's sins. In a whitewashed shotgun shack, an old man passes away. They take the body to the graveyard, and over him they pray. Oh Lord, won't you tell us? Tell us, what does it mean? How at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with a Bible. Groom stands waiting for his bride. Congregation gone, sun sets behind a weeping willow tree. Groom stands alone and watches that river rush on so effortlessly. He's wondering, where can his baby be? Still at the end of every hard-earned day, we'll find some reason to believe. Ouais, les amis, donc ça, c'est la version enregistrée en live au Count Basie Theater à Red Bank dans le New Jersey. Alors, il est accompagné très, très discrètement par Larry Campbell à la guitare et la mandoline et Charlie Giordano au clavier. Voilà, donc c'est enregistré sans public et c'est une version que vous pouvez retrouver dans le coffret en DVD, mais c'est très sobre. Hein. Voilà, on voit Springsteen de face, il n'y a pas 10 000 caméras, c'est tout dans l'émotion et dans la force de ces chansons qui, pour moi, d'année en année, deviennent vraiment... Elle m'accompagne, quoi. Ouais, voilà, ouais. On en est tous là quand on suit sa carrière, c'est-à-dire que on se rend compte aussi de, il y a tout ce qu'on connaît, puis il y a tout ce qu'on découvre encore. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça restera un artiste majeur. Et rassurez-vous, chères auditrices, auditeurs, il y aura une spéciale Bruce Springsteen. Eh oui, il y aura une spéciale Bruce Springsteen parce qu'il y a aussi un autre coffret dont on n'a pas encore parlé. C'est le gros coffret. Ouais. Celui qui s'appelle, vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Bah, c'est Tracks 2. Exactement, le Tracks 2. 7 albums, 250 balles. Oui, ça, on n'oublie pas le... 6 mois après, même pas, t'as celui-ci qui vaut 59€. Ouais. Résultat, tu manges des pâtes et tu vends tes jeans sur le marché. Et Bruce Springsteen, lui, s'achète un nouveau ranch. Pendant ce temps. Il est un peu critiqué par rapport à ça. C'est vrai. Mais bon. On lui en voudra pas d'être devenu milliardaire, certains disent. Bon, je sais en pas. En tout cas, bon, on l'attend dans les studios. Hein. Ouais, voilà. Ouais, quand il veut. Mon rêve, c'est de lui serrer la main et lui dire merci parce que vous êtes la bande-son de ma vie. Ah oui, on en est tous un peu là, cher Pascal. Mais bon. C'est pas encore fait. Antoine Decaune, si tu nous écoutes. Après, il y a que ceux qui tentent pas. On te fait un appel, Bruce, Antoine et tous ceux qui le connaissent. Oui. Boogie, c'est quand tu veux. 89.5 www.radiodio.org. Muriel, qui est avec nous, quelle impression tu as eu en écoutant ces chansons? Moi, ça me transporte. Hein. J'ai adoré. Ça, c'est musicalement. Enfin bon, c'est The Boss, quoi. C'est la voix aussi qui est. Et tu es une fan, toi, inconditionnelle du Boss ou? Pas du tout. Pas du tout. Et tu aimes mieux ce. J'aime beaucoup écouter. Tu préfères ce genre de titre totalement dépouillé ou alors les albums beaucoup plus instruits? Non, celui-là. Celui-là, ouais. C'est, voilà, c'est ce que tout le monde pense ou presque. Je préfère, oui. Merci. On te retrouve tout à l'heure pour ta sélection. Et on continue, David, avec un de tes choix, je pense. Ouais, en début d'année, est ressorti chez DK de les chutes de studio encore et toujours de Monsieur Phil Lynott au début de Thin Lizzy entre 71 et 73. On reparle encore de ces années 70 et sur lesquelles ils avaient enregistré, mais c'était très acoustique. Alors tous les morceaux sont pas acoustiques, mais où ils avaient enregistré des morceaux qu'ils n'avaient pas mis sur album. Alors pas tous, hein, parce qu'on retrouve certains morceaux qui sont apparus plus tard. Et il y a beaucoup de... Il y a certains morceaux qui sont très... comment dire, qui sont du folklore irlandais. Bien pur. Sûr. Voilà, à la guitare, avec Phil Lynott qui chante. Et j'ai trouvé cet album fort bien vu, quoi, même si il a été remasterisé. C'est Eric Bale, le guitariste emblématique, qui a refait les parties guitare. Et ça donne des choses étonnantes, comme ce slow blues sur la plage 4 qu'on va écouter tout de suite. We'll be right back. Et oui, voilà, on discute, on est bien sur Radio Duo, on est bien dans Boogie, ça discute et ça oublie de raccrocher les wagons. Finn Lizzy, voilà. En 2026, on parlait du rock irlandais, hein, oui, en off. Ça va faire 40 ans qu'il est décédé, quoi. Et voilà, 40 ans qu'il overdose, il avait été pressenti pour jouer Hendrix. Jimi Hendrix dans un biopic, bassiste extraordinaire. Chanteur extraordinaire, il y avait beaucoup de soul dans sa voix. C'est pour ça que mes potes à l'époque qui écoutaient du heavy metal n'aimaient pas trop Thin Lizzy. Ouais. Parce que c'était très chiadé, c'était très très mélodique. C'était très mélodique comme hard, parce que c'est quand même, ils ont réussi le mélange du hard et de la musique celtique avec un chanteur avec une voix très très très très mélodique. Et ça, c'était pas gagné d'avance, mais ils ont su le faire, quoi. Moi, je conseillerais les albums Chinatown, ouais. Black Rose. Et le Live is Dangerous. Dangerous, qui est extraordinaire, qui a été quand même réenregistré totalement en studio. Donc c'est un live qui a été quand même pas mal trafiqué. Il y a eu Eric Bell dans son groupe, il y a eu John Sykes, il y a eu Brian Robertson qui fera une saison avec Motorhead. Il y a eu des super guitaristes. Gary Moore, avec qui il avait une amitié plus ou moins tumultueuse. Et comme on le disait en antenne, il y a sa statue à Dublin, je crois, qui trône fièrement dans un square. Parce que c'est une légende là-bas, quoi. Et un sacré personnage, mais bouffé par ses démons et la cam. Ouais, la cam, les abus, enfin, il fait partie de tous ceux qui sont partis, voilà. Trop vite. C'est le piège du rock'n'roll. Allez, revenons à cet album merveilleux de... c'est l'album du premier trimestre, hein, de Buddy Guy. Avec énormément d'invités, on en a parlé lors de la première émission. Là, je vais vous passer un morceau qui tourne autour du gospel, qui s'appelle « Jesus loves the sinners », c'est-à-dire « Jésus aime les pécheurs ». Et c'est enregistré avec les Blind Boys of Alabama. Donc, on en a parlé beaucoup de ce disque. Moi, je vous propose de balancer le morceau tout de suite. Vas-y, Véro. Hates the sin, but he loves the sinner. sin, but he hates to sin. He'll lead you out of danger, lead you out of danger. Just trust in him, just trust in him. He'll change a born loser, yes, sir, to a born again winner. Jesus hates the sin, but he loves the sinner. And he hates the sin. Yeah, but he loves you, my brother, my sister. But he hates the sin. Yeah. Just trust in him. All you gotta do is keep the faith. Change a born loser to a born again winner. Hates the sin. Il s'éclate toujours à 89 ans sur ce dernier album qui s'appelle End Done With The Blues. Je n'en ai pas fini avec le blues. Ouais, alors, si vous ne savez pas où le choper, ben Manu est là. On ne l'a pas dit, mais il est vendeur de disques concerné et passionné à Leclerc Culture Andrézieux. Donc, allez le voir de notre part et il vous trouvera sûrement ce dernier Buddy Guy, n'est-ce pas? Ouais, il me fait un signe de tête, comme quoi il n'y a pas de problème. Il est 22h53 sur le 89.5 Radio Duo. Alors, il y a MC Véro qui est très silencieuse, ouais, mais qui fait un travail de fou aux platines. David, Muriel et Manu. Et on continue avec un de tes choix, David. Oui, un de mes choix. Mais c'est bien ce que tu as fait là, de rendre hommage à nos dealers de vinyle et de CD. Voilà, Maison Forum, entre autres, voilà, et puis les petits disquaires indépendants aussi, tous ces mecs qui vivent, qui vivent plus de leur passion que de ce que leur laissent les gens, quoi. Si vous voulez du vinyle, il y a Mélie Mélodie à Saint-Étienne. Voilà, je pensais à lui. Tous les styles. Oui, on parlait du Rocking Gun Party qui aura lieu le 22 novembre à Saint-Rambert-d'Albion. Et ben voilà, j'avais prévu un petit morceau de Baron Sweetfield. On va l'écouter tout de suite. Il s'agit du titre Rocking Behind the Iron Curtain. Let's go. You can't. Baron Swinfield and the Savage. Un petit mot sur Baron Swinfield, Pascal? Bah, j'aime beaucoup, c'est entre de la soul avec un groupe garage. Garage rock'n'roll. Donc c'est une association détonnante. Ouais. Et il faut choper tous ses albums, quoi. C'est ça. Et je pense que sur scène, il fait très très fort. Ah oui, oui, sur scène, c'est vraiment le groupe de scène rock'n'roll encore en piste. Je me demande s'il n'était pas passé chez nos amis de l'entrepôt. Il y a extrêmement longtemps alors. Mais à vérifier, ouais, peut-être. À vérifier. L'entrepôt qui est aussi. Via Neravif, l'assaut Neravif, tu sais. Ouais, ouais. Je sais pas. C'est Neravif qui a fait passer, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le fameux groupe. Brand New Weight. Brand New Weight, avec en première partie du groupe américain, non, plus, ouais. Ou australien. En tout cas, on les salue. Ouais. Ils nous écoutent tous les mercredis. Ça a bien chauffé ce soir-là, il paraît. Ouais, ouais. On se désole de ne pas y être allé, mais voilà. Et nous arrivons en fin d'émission. Alors, c'est le moment de Muriel. Ah ah. Avec ses choix musicaux qui s'écartent un peu du blues. Le moment de Muriel. Donc, je vais commencer par une spéciale dédicace à mon fils, Mathis. Et donc, c'est Delilah Bone, Princeless Princess, extrait de l'album éponyme, en fait. Voilà. Et voilà. Et tu connais ce groupe? J'ai découvert, en fait. D'accord. J'ai découvert et okay. J'ai beaucoup aimé. C'est dans quel style? On va l'entendre, mais... Je ne sais pas, on va découvrir. Ah, bah, d'accord. Allez, Muriel, let's go. Merci, Pascal. Like you, you're living your life, you're living it like every man that came before you. But I'm leaving that shit in the dirt. You know that I'll never be her. Talking to me like, oh yeah, historically women were owned, yeah. Historically you've been alone. Ha, I ain't no princess, that's right, yeah. I ain't no need in no night, yeah. The girl that you're wanting in me will never be body or creep, yeah. You're the fuck out of my mold, yeah. There is no room in my bone, yeah. Call me hysterical, call me unbearable, call me a bitch, I'm gone. Oh my god, I am not your princess, wait. Try and lecture me, but it don't work at all. Yeah, it's just giving incel energy. I want my whole life with out needing a dumb little boy that just needs feed. And a dumb little boy when my kingdom is full. With dragons and bobbies, my room is so messy for two. Yeah, I come in the night, ooh, yeah, and roll a fried, ooh, yeah, you're finna side. Stitching me, filling me, taking my rise, ooh, yeah. Maybe it's time, maybe the story was meant to be mine. Maybe I'm not some traditional wife. Maybe tradition is evil inside. And oh yeah, maybe I'm sick, maybe submission is all that I need. Oh yeah, maybe I'm fucked, maybe tradition is if you please. Oh yeah, maybe I'm sick, maybe submission is whatever you need. Oh yeah, maybe I quit, I'll quit. A damsel in distress, but not in the same sense. That's why you see a prince would be useless. Don't flex with your sword, bitch, if you not gon' use it. Alright, you give me the ick when you want her submission, but won't go to battle and fight. You want her to worship, but don't want to earn it. Oh my. Princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess, princess Yes, ça voilà. J'adore. Alors ça, c'est, ça fait partie du new metal. Ouais, la vague new metal des années 90, voilà. Avec des groupes comme Limp Bizkit, Korn, voilà. Linkin Park. Ah oui, Linkin Park, Korn, ça me parle. Voilà, tous ces musiciens en baggy là. Ouais. Tu vois. Non, mais j'adore ce morceau particulièrement. Ouais, je connaissais pas le groupe. Les riffs, à la fin, oui, ouais. ça dépote. Mais, par contre, elle faisait partie d'un groupe, mais méchant élève, mauvais élève, j'ai pas retenu le nom du groupe. Mais donc, c'était Delilah Bone. Eh bien, tu voilà. as un deuxième petit cadeau comme ça ouais. à nous offrir. Allez. Alors, avec une dédicace cette fois à Arnaud, au verre à soie de la place d'Orient, qui nous offre un morceau des Throwing Muses Buzz, qui date de 96. Voilà. C'est bon, c'est parti. Let's go. Ouais, j'ai un avis très partagé sur cette dernière chanson. Je peux dire que j'aime pas du tout, quoi. C'est le son des années 90. Hein. Oui, ouais, j'aime bien. Bah, mais je écoute... préfère la première quand même. Hein. Je ouais, préfère mais... Laila, mais c'est bien aussi. C'est ton pote qui te l'a conseillé. Oui, c'est Arnaud du Verre à Soie. Bah, on peut le saluer. Ouais. Il pense faire des concerts ou des choses comme ça ? Pas pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de concert prévu. D'accord. Et il est 23h07. Toutes les merci Muriel. À dire que la dernière émission de l'année se fera le 10 décembre. Mm-hmm. Et on était en train d'en parler entre nous là le 10 décembre. Ceux qui veulent venir avec des disques, de quoi manger, de quoi boire, on va faire un réveillon rock'n'roll, blues. Ouais. Enfin, Manu donc, sera là. Et puis, merci pour cette belle soirée. L'émission festive qu'on a toujours faite un peu avant Noël. Ouais, comme à la grande époque, quoi. C'est ça. À moins sauvage, parce qu'on a 60 ans maintenant. Ah, on n'en est pas loin, ouais. Tu bois deux bières, tu mets trois jours à t'en remettre. Alors, j'en suis pas là, mais voilà, quoi. Ouais, c'est plus comme avant. Alors, j'ai envie de terminer, parce que je suis à fond dans le heavy metal de ma jeunesse, là. Aïe, aïe. J'ai envie de terminer par un morceau qui va vous arracher la tête, que vous connaissez tous. Et ça, je le dédicace à mes potes thrasheurs. Quand on voit ton tatouage, on n'a pas envie de décoller à avec ça. Tous les potes de Roche, spécialement à Drac, Steph. Un grand fan de l'émission. Et je tenais à te remercier, David, Muriel, Véro, Manu, pour ce bon moment. Merci à toi. Belle soirée, les amis. Et on termine avec ça. Allez le reconnaître. Vous poussez les tables. Ouais. Vous montez les potards à 11. Le mec qui vous met du duel à 11h du matin, à 6h du matin, eh ben vous montez les potards à 11. Ça le fera bien chez lui et ses gamins. Donc vous éclatez tout. C'est un morceau que vous connaissez tous, enregistré en live. Rock and roll, mon pote. C'est salut, parti. Merci. All right. We got one more for you out there, everybody! Are we feeling good out there? By the way, thank you very much. What an awesome, awesome show this was for us tonight. We thank you. All right, now we got some singers out there. Let's hear you now. Right.